Fadjet, c'est l'été en Lorraine. Si vous êtes amateur de festivals et ou que vous ne savez pas quoi faire en août, eh bien l'interview du jour devrait vous intéresser, puisqu'aujourd'hui nous allons parler de la 14e édition du festival musical What's a Bar qui aura lieu les 22 et 23 août à Bar-le-Duc. Pour nous en parler, nous recevons Léo Oman, président du festival. Léo Oman, bonjour. Bonjour Emeline, comment ça va? Très bien, et vous, merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité, merci beaucoup. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez brièvement présenter le festival? Le What's a Bar, c'est un festival en plein air qui a lieu à Bar-le-Duc. On fait la 14e édition cette année, c'est un festival à taille humaine où on peut accueillir jusqu'à 3500 personnes par jour. Ça se passe en plein centre-ville de Bar-le-Duc, dans le parc du château de Marbeaumont. Donc c'est au pied d'un château et on a trois scènes sur l'ensemble du parc, où les artistes jouent en alternance pendant deux soirs, de 18h à 2h du matin. Le festival s'inscrit dans les actions de l'association Biril, dont vous êtes justement le président. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette association et de ses actions? Alors l'association Biril ou Biréal, les gens choisissent la prononciation, c'est une asso qui a été créée en 2009 et c'est une association qui a vocation à rapprocher le public rural de la culture et du spectacle vivant sous toutes ses formes. Depuis 15 ans maintenant, l'asso organise donc évidemment un festival de musique, le What's a Bar, mais plein d'actions culturelles à côté. On a fait énormément de festivals gratuits pour les jeunes publics sur la thématique de l'art du cirque, la thématique de l'écologie. On fait plein de déambulations. Depuis quelques années maintenant, on organise le défilé de la Saint-Nicolas de Bar-le-Duc. On organise des spectacles et des goûters galettes des rois pour les plus anciens. Tout au long de l'année, on a une dizaine d'actions culturelles pour plein de publics différents. Et qu'est-ce qui fait la particularité du What's a Bar? Qu'est-ce qui fait la particularité du What's a Bar? Bah déjà, on est l'un des seuls festivals de musique actuelle du territoire, du sud meusien. En Meuse, il y a plusieurs festivals de musique, mais sur le sud meusien, on est le seul et le plus gros. Et qu'est-ce qui en fait sa particularité? Je vais dire la programmation. On a une programmation qui est axée sur deux esthétiques. Une esthétique un petit peu punk rock metal le vendredi, avec des groupes très pointus en tête d'affiche, comme Rise of the North Star, ou des groupes plus anciens, comme les Ramoneurs de Menhir ou Lofofora. Et on a une esthétique musicale plutôt axé reggae, dub, électro, trance le samedi soir, avec des grosses têtes d'affiche comme cette année Danakil, Generation ou encore Tetra Hydroca, le duo de musique dub et électro. Donc voilà, je pense que c'est surtout la programmation qui fait du What's a Bar un festival un petit peu particulier. Et justement, dans cette programmation, eh bien, il y a des artistes issus d'un tremplin que vous organisez. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce tremplin ? C'est quelque chose qu'on a mis en place avant le Covid et qu'on a décidé de remettre en place à partir de 2024 exactement. Donc en gros, c'est une scène ouverte pendant deux soirs où des groupes locaux aux esthétiques musicales qui se rapprochent un petit peu de ce qu'on programme sur le festival peuvent venir jouer. Bon, c'est sur inscription, c'est sur concours, etc. etc. C'est sur présélection du jury. Et en gros, on a des groupes qui viennent jouer pour espérer être programmés sur le festival en ouverture du festival. Donc cette année, on a Dusk of Delusion, qui est un groupe de métal, et on aura Way of Five, qui est un groupe, lui, nancéen, qui a une esthétique un petit peu plus jazz, soul. On est super content d'avoir un groupe comme eux sur le festival, ils nous ont vraiment impressionnés. Nous, on a vraiment à cœur de faire jouer des groupes locaux en développement et de les accueillir dans des conditions professionnelles. Et si vous deviez résumer l'ambiance du What's a Bar en trois mots, ce seraient lesquels? Waouh, en trois mots, je dirais convivialité, famille et fête. On a vraiment cet esprit un petit peu de convivialité et de famille. On a énormément de parents qui viennent avec leurs enfants. On a énormément de jeunes. C'est vraiment un esprit très festif et très, très convivial. Et qu'est-ce que vous espérez que le public retienne de son passage à la fin des deux journées? Le beau temps. J'espère qu'il fera beau. Non, en vrai, j'espère que les festivaliers retiendront que c'est un festival, comme je disais en préambule, à taille humaine, qui n'est pas trop gros et pas trop petit, sur lequel on peut voir de belles têtes d'affiches d'envergure nationale, avec une ambiance, comme je disais, super conviviale et super familiale, où tout le monde a le sourire. Nous, quand les festivaliers passent une soirée avec le sourire et sont contents d'avoir passé une bonne soirée, pour nous, c'est mission réussie. Et vous êtes à la recherche de bénévoles? Que faut-il faire si on souhaite, par exemple, en devenir un? On est toujours à la recherche de bénévoles, hein, on le dit jamais assez. Un festival, peu importe quel festival, ne tourne pas sans les bénévoles. Hein. C'est les bénévoles qui font tourner la machine. On les remercie autant qu'on peut et on les remercie jamais assez. pour être bénévole sur le festival Ouattsabar, on peut s'inscrire directement via notre site internet www.ouattsabar.fr. On a une rubrique, rejoindre l'équipe bénévole avec un formulaire. C'est tout simple, ça prend 5 minutes. Et ensuite, notre responsable bénévole se fera un plaisir de faire un retour et de valider l'inscription. Et au niveau de la billetterie, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'il reste beaucoup de passes ou alors il vaut mieux peut-être se dépêcher pour prendre son billet? Eh bien, ça y est, là, on est à un tout petit peu moins d'un mois du festival. Donc, la billetterie commence à s'affoler un petit peu. En termes de passes de jour, on atteint bientôt la limite. En termes de passes vendredi aussi. Donc, c'est un peu le moment de commencer à se dépêcher à prendre les billets. Ça commence à partir vite. Généralement, on observe toujours cette tendance-là. À un mois du festival, les billetteries s'enflamment souvent très, très vite. Merci beaucoup Léo Mann d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Le festival Ouattsabar, c'est donc du vendredi 22 au samedi 23 août à Bar-le-Duc.